C'est le jingle à la bouche de l'émission de la CNT Éducation 9-3. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM, la radio de la Fédération anarchiste. Et vous écoutez bien l'émission de la CNT Éducation de Seine-Saint-Denis. Alors bon, on adore les innovations. On a décidé aujourd'hui de faire un jingle improvisé, DIY. Voilà, c'est fait. Désolé. Et on va aujourd'hui faire une émission en deux parties. Alors la première partie, on sera avec des camarades de la locale solidaire, Maël et Louisa. Salut à vous. Salut. Salut. Et on va discuter de local, et de local c'est-à-dire du 93, et de local c'est-à-dire aussi de lieu dans le 93. On agrémentera ça de quelques petits sons, et puis dans une deuxième partie d'émission, on va se consacrer à de la musique, encore une fois, nos choix musicaux divers et variés et éclectiques que vous accompagneront dans cette fin de soirée pluvieuse. Je parle pour les Parigots et Banlieusards. En ce qui nous concerne là maintenant, eh bien, on va commencer tout de suite avec l'IMSA d'Aulnay. On est dans le local toujours, hein. On l'aime bien nous ici. Et c'est en berlingot qu'on se retrouve pour continuer cette émission. Vroom vroom. Le volume il est bien réglé. L'antipop est dans la bonne position. Je vais le faire d'une traite sans m'arrêter. Et si je meurs tout de suite, les commentaires maintenant. Souvenez-vous que j'avais plus la même gamberge qu'avant. La weed, la dope et la Bavaria. Y'a toujours un babtou dans ma black mafia. Il a les bons plugs comme White Boy Rig. Une fille de voyou, faut le voir, faut le vivre. Comme un aimant, l'argent attire l'arigot. Si tu veux des gros flots, y'en a attire l'arigot. La ville est petite, on se connaît tous. On demande pas d'aide lorsqu'on étouffe. J'avais honte d'être fauché quand même les gosses font des sous. Aujourd'hui on mange mieux et tu trouves notre projet lourd. Walim, ça il est bien réglé. Le micro il est bien réglé. L'antipop est dans la bonne position. Il va le faire d'une traite sans s'arrêter. De moins en moins de fidèles par église. C'est sur un sol savonné par Iblis. Que les jeunes de la banlieue de Paris glissent. Même si tu parais clean, on s'est séparés gros. Car t'es paré glow, là le débat est clos. Je mets des coups de machette sans refrain. Cette arme blanche je baroude avec sans crainte. Je suis allé voir des meufs jusqu'à Aix en train. Mon testament je l'écrirai en Alex Andrin. Et là je m'allume un bétingo. Avec mes refrains on rendait ma merde gros. C'est tout à l'arrière du berlingot. Si demain y'a un concert à Berlin, go. J'étais timide nature, j'étais immature. À l'époque y'avait pas plus lâche que moi. Et c'est peut-être pour ça que je me sentais plus jeune que les meufs qui avaient le même âge que moi. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM, la radio de la Fédération anarchiste, et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission du syndicat des travailleuses et travailleurs de l'éducation de la Seine-Saint-Denis, de la CNT. C'est long à présenter tout ça, mais pas aussi long que d'avoir fait un jingle à la bouche. Merci donc à l'IMSA qui nous a précisé que le micro était bien réglé, et je crois qu'il est bien réglé ici même en studio. Donc nous sommes ici avec les camarades de la locale solidaire. Alors la locale solidaire, peut-être pour les auditrices et auditeurs de Radio Libertaire, pouvez peut-être présenter au début ce que c'est. Bah du coup c'est un projet qu'on a monté depuis je dirais un an et demi à peu près entre des différents camarades, on va dire. On est un petit groupe de gens qui sommes rencontrés au travers de différentes luttes, principalement dans des luttes autour des squats, autour des questions de logement, de papier, de soutien aux personnes exilées, de lutte syndicale et de lutte écologiste et un peu de rapport à la ville, on va dire, de manière générale. Tous habités entre Pantin, Aubervilliers, Saint-Denis depuis pas mal d'années et pas mal gravité autour des luttes sur ces territoires. Et voilà, on a un peu à commencer à émerger, enfin, gré de discussion sur qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de lieu, qu'est-ce qu'on fait aussi quand le foncier devient inabordable pour tout le monde et que la ville se transforme à chaque seconde et que publiquement on est de plus en plus réprimé sur les squats, sur les occupations, etc. et qu'en fait on manque quand même beaucoup de lieux et qu'on commençait à sentir l'impact du manque de lieux sur nos organisations, nos manières de se rencontrer, d'habiter une ville, quoi. Et donc voilà, on a monté ce projet dans l'idée d'avoir un local autogéré, solidaire. Et bon, on aura le temps d'en parler, mais plutôt dans l'idée, on aimerait acheter un lieu. Voilà, on n'a pour l'instant pas vraiment assez de thunes pour le faire. Donc, on cherche à la fois de la location et à la fois de l'achat en se disant, voilà, si on trouve un super plan, on pourra réfléchir à de l'achat. Et donc, voilà, ça fait un an et demi, ça prend du temps. Mais on avance un peu. Alors, ouais, justement, vous parlez, donc ça fait un an et demi. Quelles étaient les circonstances, un petit peu le cadre dans lequel ça s'est passé, tout ça? Qu'est-ce qui a poussé à ce que ces énergies, justement, se rassemblent? Vous me parlez peut-être aussi du cadre légal, un peu, qui s'est accentué. Vous voulez en parler un petit peu? Ouais, bah, je veux bien en dire deux mots. Déjà, c'est cette question d'avoir un lieu, il y a quelques lieux qui existent déjà, mais ça fait longtemps que ça revient de manière fréquente dans les cercles militants, on va dire Aubervilliers et autour, entre autres parce qu'il n'y en a pas énormément à Aubervilliers et autour. Et puis, ce qui a un peu précipité les choses, c'est, entre autres, avec la loi Kasbarian, on s'organisait beaucoup dans les squats avant. Et puis avec la loi Kasbarian, entre le fait que les squats ferment tous un par un et qu'on ne soit plus capable d'ouvrir des squats, on sentait bien qu'il y avait de moins en moins de lieux pour s'organiser. On s'organisait entre autres à la trotteuse, enfin pour ma part je m'organisais pas mal à la trotteuse, qui a fermé cet automne, et puis on savait déjà depuis un petit peu que c'était menacé. Il y a eu d'autres squats à Aubervilliers qui ont aussi fermé, à Saint-Denis aussi. Voilà, du coup on sentait que c'était terminé, et puis peut-être un autre point qui a fait qui nous a relancé là-dessus, c'est aussi la bourse du travail à Aubervilliers, où par défaut en fait c'est là où on finissait pas mal et où on s'organise toujours aujourd'hui, puisque c'est un des derniers lieux qui est suffisamment grand pour pouvoir faire des réunions et suffisamment accueillant pour pouvoir faire des réunions, et c'est un lieu qui appartient à la mairie, qui est géré par les syndicats. Et la mairie d'Aubervilliers a décidé, il y a un peu plus de 2 ans, de faire un procès pour le récupérer. Ils ont dit, c'est bon, les syndicats, ils ne s'en servent pas assez. On va y mettre officiellement des associations, mais en tout cas, c'est la mairie qui voulait le récupérer complètement. Voilà. En parallèle de tout ça, je vais pas reparler trop des contextes électoraux, mais on voit aussi la montée du FN, la montée des droites, et on comprend bien que tous ces lieux municipaux ou subventionnés, et ben le jour où la mairie en a marre de nous, et ben c'est terminé. Et donc l'idée c'était un peu de se dire, faut partir maintenant, qu'en fait faut penser maintenant à qu'est-ce qui va se passer après. Il faut dès maintenant être le plus indépendant possible. Et donc c'est un peu avec cette idée-là qu'on est parti et qu'on a monté ce collectif. Ok, alors on reparlera peut-être un tout petit peu après de la bourse du travail d'Aubervilliers, histoire d'avoir un petit peu l'actu sur ce qui s'y passe. Mais justement, donc Aubervilliers, ça se présente pour vous comme étant un endroit qui a des possibilités ou qui l'offre des possibilités. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Parce qu'on voit aussi peut-être des situations qui sont beaucoup plus tendues dans d'autres villes qui sont proches également de, dans ce secteur-là, mais Est-ce que Aubervilliers, c'est un choix particulier ou est-ce que ça s'est juste imposé comme ça parce qu'il y avait plus de disponibilité ? Bah, c'est là où on habite. Et du coup, moi, je vivais à Saint-Denis pendant très longtemps avant et du coup, on avait déjà ce projet à Saint-Denis. Il y a aussi, en fait, il y a quand même plusieurs groupes qui ont un peu qui sont dans les mêmes dynamiques parce que ils arrivent plus à squatter, parce que toutes les raisons qu'on a énumérées. Mais c'est vrai qu'en fait on s'est retrouvé à être plusieurs sur Aubervilliers, à avoir vraiment envie de mettre de l'énergie dans ce projet-là. Et c'est quand même un projet énorme, surtout quand on décide de faire un truc par nous-mêmes sans avoir forcément les fonds pour. Donc je pense qu'il y a il y a d'autres gens qui ont peut-être envie de le faire, mais qui n'ont pas les moyens forcément de mettre cette énergie. Et nous, on s'est retrouvés quand même sur Aubert, là, plusieurs à avoir envie de mettre cette énergie. Et puis, ça, on est plusieurs à faire quand même pas mal de choses sur Aubervilliers. Après, on est quand même aussi pas mal en lien avec les communes à côté. Et clairement, on ne s'interdit pas si on trouve un truc super cool à La Courneuve, d'aller à La Courneuve ou on cherche aussi à Pantin ou à Saint-Denis si on trouve. Mais c'est vrai que c'est un territoire sur lequel on est quand même tous implantés depuis pas mal d'années. Et du coup, l'idée, c'est quand même de rester aussi proche de ce qu'on. Enfin voilà, de là où on vit et de ce qu'on fait et de territoires aussi qu'on commence à connaître. Et on voit aussi ce qui serait cool à faire avec un local, quoi. Alors, justement, en parlant de ça, ce serait quoi les activités sur lesquelles le local, justement, une fois acquis ou dans lequel on serait, qu'est-ce qui pourrait s'y dérouler ? C'est quoi le projet ? Qu'est-ce qu'il y aurait comme idée ? Je pense qu'on a plein d'envies et plein d'idées. Ça dépendra nécessairement de la taille du local, évidemment. Plus c'est grand, plus on pourra faire de trucs et de trucs différents. Mais parmi les choses qu'on a déjà discutées et qui sont, on va dire, pas vraiment négociables, ou en tout cas qui sont vraiment dans nos priorités, il y a l'idée déjà que ça puisse être un lieu où parfois on fasse des réunions. Il y a aussi l'idée que ce soit un lieu qui soit ouvert sur le quartier et donc que ce soit pas tout le temps des réunions, justement, qui est un espace qui donne envie de venir, de se poser, de prendre un café, de discuter avec, un ordinateur. De pouvoir aussi être un lieu de rencontre, un lieu où on puisse passer. On est aussi pas mal à faire régulièrement ou moins régulièrement des cantines de soutien ou des cantines solidaires. Et du coup, ça, c'est quand même assez important pour nous qu'il y ait un endroit où on puisse cuisiner. Dans l'idéal, pour faire des cantines sur place, mais éventuellement pour cuisiner sur place et faire des cantines ailleurs. Les deux sont possibles. Et puis après, c'est ce que je disais, ça dépendra un peu de la place, mais de pouvoir accueillir d'autres collectifs suivant les envies des autres collectifs, ça peut être plein de choses. Il y a d'autres gens qui nous ont déjà contactés pour faire des cantines. On leur a dit pour l'instant c'est un peu tôt parce qu'on n'a pas lieu. Il y a des gens qui nous ont contactés en disant peut-être si c'est assez grand on voudrait bien faire de la boxe. Il y a des gens qui nous ont contactés pour faire des réunions de soutien psy. Il y a plein de gens, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et puis l'idée, c'est quand même que, puisque ce sera un local autogéré, c'est un peu tôt pour vous dire tout ce qui se passera dedans, puisque ça dépendra des gens qui sont dedans nécessairement. Je pense qu'il y a quand même... ce qui nous parle, et c'est pour ça que quand même la finalité, ce serait de l'achat, c'est aussi de se dire en fait il y a un lieu qu'on retire de la spéculation, donc il y a aussi tout l'aspect de réflexion sur des modalités de propriété collective, ou en tout cas de forme de propriété qui permet, donc ça c'est un peu l'autre aspect de choses qui se développent pas mal en France, pas trop en Île-de-France, mais parce que les capacités, le foncier coûte hyper cher, mais dans d'autres villes, etc., où il y a quand même un peu les dynamiques de réfléchir à comment collectiviser un peu la question de la propriété et sortir des lieux pour qu'il n'y ait pas... nous, on est quand même dans un truc où nous, on porte ce projet, puisque là, à un instant T, on a l'énergie à mettre pour le monter et un peu se focaliser là-dessus. Ce lieu, c'est un lieu pour l'avenir, et dans l'idée, c'est aussi qu'il soit toujours là et qu'il puisse être approprié par tous les gens qui auront envie de le fréquenter, et que du coup, ce soit aussi... c'est aussi une réflexion autour de la propriété, quoi. À la fois du fait que la plupart des locaux, c'est des trucs municipaux ou des appels à projets, un peu tous les tiers-lieux qui pop depuis pas mal d'années. C'est quand même des appels à projets, souvent des intercommunalités, etc., avec souvent quand même un objectif politique derrière, de mettre la bonne asso, le bon truc. Voilà, et ils font pas tous des trucs dégueux, enfin c'est pas du tout pour cracher ou quoi, mais il y a quand même toujours un peu une visée, enfin on voit qui est retenu pour ce genre de projet et qui ne l'est pas, clairement, et je pense que nous, avec notre projet, clairement on fait pas partie des gens qui ont envie d'implanter sur le territoire, et du coup et il y a ça, et à la fois il y a juste le jeu des promoteurs, juste au Berlier, c'est un espèce de gâteau dont les promoteurs sont en train de se séparer toutes les parts, et c'est aussi l'idée de réfléchir à comment aussi potentiellement sortir un lieu de ça, et un lieu qui dure dans le temps et dont la pérennité ne sera pas remise en cause par un changement municipal ou une volonté politique. Et après, je pense qu'on vient quand même d'endroits politiques où on articule un peu, je sais pas, le fait de venir de milieux autonomes, plutôt anard, etc., et à la fois être vachement implanté dans des trucs de solidarité très concrètes. On a toujours été dans des orgas de squat, de cantine, de solidarité sur le logement, les papiers, la bouffe, enfin des trucs. Je pense qu'on se rejoint quand même tous et toutes sur le côté vraiment d'avoir toujours eu un investissement assez local, en tout cas notre perspective politique, quoi, c'est aussi de partir de là où on est et de s'organiser et de soutenir les luttes qui sont autour de nous, de donner de la force à ce qui se passe autour de nous, et du coup je pense que le lieu, enfin l'idée, c'est quand même vraiment de pouvoir faire vivre un peu ces deux choses, quoi, à la fois d'avoir une présence quand même politique affirmée sur la ville, et à la fois que soit un lieu ouvert où des gens qui ont envie de monter des trucs qu'ils peuvent pas forcément faire dans une maison de quartier municipale ou peut-être un peu plus politique, peut-être un peu plus énervé que juste faire des activités un peu de quartier ou quoi, ils aient aussi un espace pour le faire, quoi. Alors justement, sortir du système capitaliste de propriété individuelle et être confronté justement au marché, parce qu'en fait c'est de ça dont il est question, à partir du moment où, comme vous le dites, on est contraint par des règles de plus en plus drastiques et des lois de plus en plus répressives, on se confronte donc à ce prix du mètre carré et donc à cette situation là, donc la caillasse, les sous, la moula, comment est-ce que vous appréhendez le projet au regard des nécessités d'argent qui vont se présenter à vous pour ce qui est par exemple ne serait-ce que la location ou même l'acquisition d'un lieu? C'est vrai qu'on a pas mal déjà fait l'aller-retour entre achat et location. Au tout début, on se disait c'est l'achat, c'est ça qu'il faut. Bon, c'est toujours ce qu'on se dit, mais il y a eu des moments où on a un peu reculé en disant en fait, c'est pas possible à Aubervilliers. L'achat, c'est juste inenvisageable. Pour donner un peu des ordres d'idées, pour que ce soit peut-être un peu plus concret, les choses qu'on voit, et c'est l'autre point, on voit très très peu de choses de toute façon, mais les choses qu'on voit, on se dit que bon, un local à l'achat, si ça fait moins de 100 mètres carrés, ça commence à être vraiment petit. À la location, vu qu'on se projette pas sur la même tendance, une soixantaine de mètres carrés, c'est le minimum, quoi. Mais donc un local d'une centaine de mètres carrés à Aubervilliers aujourd'hui, ça coûte au moins 300 000 euros. Et si on parle plutôt de location, les choses sur lesquelles on s'est projeté, c'est plutôt 2 000 euros par mois de loyer, en sachant qu'il y a des charges en plus. Donc effectivement, c'est beaucoup d'argent. C'est aussi pour ça que l'achat est peut-être un peu plus... Enfin, évidemment, c'est-à-dire que si on part sur de la location, ça veut dire qu'on donne de l'argent à des gens pendant jusqu'à ce qu'on l'ait pas acheté. Donc ça fait réfléchir différemment, même si on n'est pas dans la situation aujourd'hui où on peut sortir directement 300 000 euros, au moins 300 000 euros pour acheter quelque chose. Donc c'est vraiment ça les questions qui se posent aujourd'hui, en sachant que Aubervilliers reste... un des territoires les moins chers de la petite couronne. Donc pour des camarades qui voudraient faire la même chose autre part, ça peut être encore plus cher, quoi. Après, je pense, enfin, du coup, là, on a un peu Comment on a réfléchi la question? On s'est fait un petit business plan, en gros, plutôt sur de la location à la base, tout en continuant d'essayer de réfléchir à comment choper peut-être plus de thunes pour aller vers de l'achat. Et c'est aussi par ces biais-là qu'on s'est rapproché un peu de toutes ces dynamiques de lieux qui sont pas trop en Île-de-France, mais il y en a quand même dans d'autres grandes villes en France. Il y a des espèces de gros de foncières, de lieux autogérés et solidaires, avec un peu cette réflexion de s'entraider sur de l'achat de lieux et d'être plutôt dans une dynamique de propriété collective et de réseau de lieux, quoi. Et donc on est un peu on a fait pas mal ce taf quand même d'aller rencontrer tous ces gens, de capter un peu comment ils avaient monté leur projet, comment ils avaient trouvé de la thune et tout. Et je pense que même si clairement on est sur le territoire le plus cher, ça donne aussi quand même l'idée que c'est possible de le faire, que ça demande une sacrée déter, que ça demande quand même d'aller chercher des thunes en effet, mais je pense qu'on se dit que c'est quand même possible et qu'on a envie en tout cas d'essayer. Et après sur de la location, on a un business plan qui clairement, et il y a un petit côté de YOLO, on espère que ça va marcher, quoi. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir de la thune d'adhésion et un peu de solidarité. Je pense qu'on est aussi quand même dans une démarche de un peu à un moment de dire, je sais pas, tous les gens qui se barrent de Paris parce que c'est trop cher, mais qui ont encore des convictions politiques et tout, de participer à faire vivre des projets comme ça. Et je pense que notre idée, c'est aussi d'aller un peu démarcher peut-être d'autres lieux ou des gens un peu hors de Paris, par exemple des collectifs qui pourraient aussi investir, c'est un grand mot, mais en tout cas peut-être participer un peu au projet parce que ça leur parle, parce qu'on voit aussi beaucoup le truc de, en fait il y a beaucoup de gens qui ont quitté Paris pour ces raisons répressives, que ce soit de squats qui ferment ou même de gens qui arrivent plus à se loger et qui montent des lieux plus à la campagne, etc. Et je pense que nous on a quand même un truc qu'on a envie de tenir, de dire en fait il faut pas abandonner, nous on n'a pas envie d'abandonner le territoire sur lequel on est, sur lequel on est implanté, sur lequel on a des liens, on a lutté pendant des années. Moi j'ai pas envie de me casser en fait, puisque tout coûte trop cher et que il y a plus de squat, et que donc voilà, on est un peu dans ce truc là de d'essayer de récolter un peu des thunes comme ça. Et après l'idée, c'est aussi de faire des thunes avec le lieu. Forcément, donc avec des soirées de soutien, des soirées dans le lieu, d'essayer aussi de faire un réseau un peu de soutien entre lieux. Et ça, je pense que c'est des trucs, même à une plus haute échelle, où je pense qu'on essaye aussi de réfléchir à comment se soutenir entre lieux. Parce que du coup, il y a quand même, en Île-de-France, il y a quand même des lieux, à Parole-et-Rente, des lieux qui sont quand même assez assurés, même si il peut toujours y avoir des dingueries qui se passent, mais qui ont quand même aussi des capacités de soutien à d'autres lieux ou à d'autres trucs. Et il y a aussi des gens, dernièrement, la cantine syrienne à Montreuil, qui ont monté un lieu pareil sur de la location, un peu sur le même modèle que nous. Et du coup, il y a aussi l'idée de réfléchir. En fait, on voit qu'il y a d'autres gens qui ont la même dynamique et tout, et du coup, c'est un peu l'idée de comment on peut fonctionner un peu ensemble en réseau et trouver de la thune ensemble. un énorme projet qui peut même parfois monter jusqu'à d'autres lieux. Est-ce que vous connaissez Montpellier? Un peu, ouais. Est-ce que vous connaissez des lieux à Montpellier? Non. Moi, je connaissais des squats, il y a longtemps. Eh ben, moi, perso, de Montpellier, je connais pas trop de lieux. Par contre, il y a quelques petits groupes sympas, comme par exemple Buzzkill, qui est un petit duo de Montpellier et qui nous chante « There must be a place ». We'll be right back. place is just a mess. Et vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM. Si, si, c'est la radio de la Fédération Anarchiste. Je regarde le petit cliquet rouge qui est censé indiquer si je suis en ligne ou pas. Il est allumé, mais l'instant d'avant, j'ai l'impression qu'il l'était déjà. Donc ça se trouve, on a entendu la fin de notre discussion qui était genre pas secrète. Hein. On vous cache rien, hein. Camarades écouteuses, camarades écouteurs. Nous sommes extrêmement transparents, mais c'est pas mal de savoir quand on doit reprendre. Et c'est le cas maintenant. C'est l'émission de la CNT Éducation de Seine-Saint-Denis. Et nous sommes toujours avec les camarades Louisa et Maëlle de la Locale Solidaire pour parler locaux. Locaux, locaux, locaux, en espagnol, ça veut dire fou. Ça, pour le coup, c'est plutôt quelque chose de rationnel. Et on parlait justement de réseaux de foncières et de réseaux de lieux qui se construisent. Est-ce qu'il y a quelque chose, un peu de... une forte évolution un peu de l'intersquat, quelque chose comme ça, qui pourrait essayer d'apporter, en fait, une forme de soutien, ou parmi les soutiens que vous recherchez, vous allez, du coup, voir de quel côté, et qu'est-ce qui peut en apporter, ou vous en êtes où à ce niveau-là? Je ne sais pas si on pourrait dire qu'on découle directement de l'intersquat. Je crois que pas exactement quand même, parce que plutôt dans l'intersquat et dans le milieu squat, il y a un rejet très très fort de la propriété, et que nous, on n'en est pas à ce stade-là, puisqu'on se dit bien qu'à un moment, il va falloir que on collectif, mais on soit propriétaire de ce lieu si on veut être tranquille. C'est pas pour autant qu'on rejette les squats, et que s'il y a des gens qui veulent et qui arrivent à squatter Aubervilliers, c'est super, mais voilà, on est un peu sur des modalités différentes, mais qui se posent quand même justement cette question de la propriété et de la propriété collective à Aubervilliers et plus en région parisienne et puis un peu partout, mais on voit bien qu'avec les phénomènes de gentrification, c'est des questions qui se posent, la propriété, qui est propriétaire, qui peut être propriétaire. Et puis nous, évidemment, on a envie que ce lieu, et ce soit une propriété collective, pour qu'il n'y ait pas les questions de eh ben, qu'est-ce qui se passe quand le propriétaire ou les deux, trois propriétaires décident que leur priorité, c'est plus de faire vivre un lieu comme ça, ou c'est juste de reprendre leurs billes parce qu'ils en ont mis plein dans le lieu. Ça nous paraît pas stable du tout, et donc on se penche vers les questions de propriété collective. Alors la première étape, c'était de se constituer en association. Déjà, si c'est une association qui est propriétaire, c'est plus compliqué de revendre, puisque c'est l'association. Enfin, l'association ne peut pas faire de bénéfices, ne peut pas redistribuer les bénéfices. Mais pour aller un peu plus loin, il y a quand même des réseaux et des initiatives qui sont montées en France et puis ailleurs, hein, qui viennent aussi d'Allemagne, de réflexion de propriété collective et de comment faire justement pour que un lieu puisse rester collectif, même si le collectif qui occupe le lieu n'existe plus, ou se fâche, ou décide de faire autre chose. Et c'est tous les réseaux qui parlent de propriété d'usage, de dire que ben, la propriété doit être aux usagers. Nous, on connaît un peu et on se renseigne auprès de Antidote, qui est une foncière, et le CLIP, qui est une association, et qui travaille justement à ce que des lieux... Alors, en ce moment, c'est beaucoup des lieux en campagne, mais pas que. Le CLIP, ils ont des lieux à Marseille. Antidote, ils ont des lieux à Nancy. Mais que ces lieux, en fait, à la fin, soient la propriété d'une entité composite dans laquelle bien souvent il y a le clip en tant qu'entité et les usagers ou qui appartiennent juste à la foncière Antidote, mais dont le rôle du clip et de la foncière Antidote, c'est justement de dire en fait, nous on s'opposera à toute revente du lieu. On s'oppose à ce que ce soit revendu pour des raisons de simplement on pourrait faire plus de thunes. Le clip et Antidote, ils n'ont pas de prise. En fait, ils ne sont pas dans le lieu, eux. Leur seul rôle, c'est de créer un réseau de lieux qui ne seront pas revendus et qui, après, puissent être mis à disposition de collectifs comme les nôtres pour y faire des choses dedans. Et donc, quand le collectif comme le nôtre, si un jour il n'existe plus, eh ben, on peut retrouver un autre collectif qui puisse réinvestir le lieu. À Aubervilliers, on n'a aucun doute que si jamais nous, pour X ou Y raison, on disparaît, des gens qui auront besoin de lieux pour faire des trucs comme ce qu'on veut faire, il y en aura d'autres et c'est plutôt vers ça qu'on a envie de tendre. Et c'est sûr que ça... Enfin, moi, je trouve... Enfin, c'est... Je pense que, par exemple, nous, on se définit pas comme un collectif, en fait, parce qu'on n'a pas... En gros, on n'a pas d'action propre. On est, je sais pas, des camarades autonomes. On fait partie de syndicats, de collectifs, d'assos, de plein de trucs. Soit ensemble, soit pas ensemble. On se retrouve sur plein de bouts de lutte, etc. Mais vraiment, la manière dont on s'est monté pour... Enfin, l'idée, là, c'est de juste se dire, en fait, on est des gens qui avons envie de mettre de l'énergie à la création de ce lieu. Mais on voit pas du tout ce lieu comme l'émanation d'un collectif qui monte un lieu. Enfin, nous, en fait, on a envie que ce lieu, il appartienne aux gens qui le fréquenteront. Potentiellement, je sais pas, en fait, peut-être, Maëlle, dans 3 ans, t'as un truc dans ta vie, tu vas bosser je sais pas où, tu vas faire je sais pas quoi. Enfin, l'idée, c'est pas de se dire que c'est notre collectif, c'est le lieu de notre collectif. C'est pour ça qu'on a un peu... Enfin, on se présente toujours, on dit toujours pour un local autogéré et solidaire à Aubervilliers, et plutôt quand on fait des réunions publiques ou quand on parle du lieu, ok, on a une asso, parce qu'il fallait bien avoir une entité à un moment un peu officiel, faire une cagnotte, nanana. Mais l'idée, c'est que c'est un projet... C'est un peu de la merde de dire ça, mais c'est un projet, quoi. Et du coup, et nous, pour l'instant, on met l'énergie pour faire vivre ce projet. On a besoin qu'il y ait aussi d'autres énergies et voilà, des gens qui ont envie de nous soutenir et de soutenir l'existence de ce lieu. Et je pense qu'on a un point, et je suis d'accord que de toute façon, il y a des moments où tu te confrontes à la réalité, et c'est pour ça qu'il faut un peu des garde-fous. Et moi, je trouve ça cool de participer un peu à ces mouvements-là de réseaux, de lieux, etc. Parce qu'en fait, on a beau avoir des super intentions. De fait, il y a quand même des histoires pas si lointaines de nous, de gens qui ont demandé de la thune pour ouvrir des lieux et qui finalement se sont un peu, au dernier moment, ont décidé de finalement revendre le lieu ou rien en faire après avoir fait des grosses cagnottes, des trucs. Donc on sait que ça arrive en fait et clairement on n'est pas surpuissant face à nos propres intérêts individuels où parfois tu sais pas comment les gens tournent, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de sécuriser ça et que ce soit, enfin, nous, ce qui nous fait sens, c'est de pouvoir participer à ce qu'un lieu existe, voilà, de préférence à Aubervilliers, puisque je pense qu'on a vachement envie de le faire, voilà, dans cette ville, mais en tout cas qu'un lieu existe. Et après, bah moi, je trouve ça chouette aussi de se dire qu'on va se confronter. Et je pense qu'on est tous hyper OK de se confronter aux gens qui fréquenteront le lieu et de le construire. Enfin, on le construira ensemble aussi, quoi. Oui. C'est vrai, pardon. C'est plus clair peut-être si on dit que ça. Enfin, en fait, notre groupe, là, son objectif principal, c'est la construction de l'outil, que ce lieu sera un outil. Mais c'est vraiment ça. Et après, une fois que l'outil sera là, on verra, le groupe, il va évoluer. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment ça notre objectif, quoi. Et justement, vous avez déjà spécifié, par exemple, dans les statuts de l'association, quelques règles ou quelques ces logiques de fonctionnement que vous explicitez ici. Vous les avez un peu posées par écrit, ou bien comment est-ce que ça s'est construit, justement? Est-ce que vous pensez plutôt garder, justement, la mise en place de statuts ou de règles communes au moment où le lieu sera acquis? C'est-à-dire une sorte de fédérer un peu les énergies d'abord, et puis ensuite de voir si ceux qui veulent continuer dans cette logique-là veulent formaliser les choses. Enfin bref, dans quel sens est-ce que ça va? En gros, plutôt les statuts, bah, vu que l'asso, c'est pas vraiment, c'est un peu une entité façade pour faire des trucs juridiques dont on aura sûrement, enfin dont on a déjà besoin et on aura sûrement besoin, mais du coup les statuts sont pas si détaillés que ça. On se repose plutôt sur l'idée enfin on se réfère plutôt à un futur règlement intérieur. Par contre, nous on a fait un espèce de texte un peu, je sais pas, un manifeste quoi, de projet en tout cas tel qu'on l'envisage, et notamment en essayant de réfléchir. Enfin, ce qu'on se dit, c'est qu'on a plus envie de réfléchir plutôt que des activités ou des choses, parce que ça, pour nous, c'est pas justement, c'est pas nous qui allons, on va pas être des programmateurs, on va pas proposer une programmation dans le lieu, etc., mais plutôt de réfléchir à des usages et à un fonctionnement, et du coup, notamment sur les usages, d'essayer de réfléchir à, bah, en fait, quand même, il y a beaucoup de lieux militants. Enfin, pourquoi la plupart des tiers-lieux ? Parce qu'en fait, par exemple, là, Aubervilliers et en banlieue, il y a quand même des tiers-lieux qui existent. Pourquoi c'est des endroits qui sont pas tellement fréquentés par les gens de la ville ? Pourquoi c'est souvent quand même des outils de gentrification, même si c'est pas forcément le projet des gens qui le tiennent ? Donc d'avoir aussi un peu ces... Enfin, je pense qu'on a été quand même beaucoup animés dans nos réflexions sur les questions de la gentrification, du rôle qu'on a aussi là-dedans, indéniablement, et de se dire qu'il faut aussi réfléchir, par exemple, les usages du lieu, et pas forcément en faire un lieu de proposition à tout prix, mais d'avoir aussi un... Enfin, de réfléchir à un lieu accueillant, dans la mesure où, enfin, pour nous, je pense, c'est un lieu ouvert. Par exemple, juste avoir des créneaux, le plus de créneaux possible, où le lieu il est juste ouvert et les gens ils peuvent venir autant boire un café, se poser sur des canapes. Enfin, je pense qu'on a envie de penser à un lieu où, genre, je sais pas, il y a des ordis à disposition, les gens ils peuvent venir checker les ordis, il y a des imprimantes. Enfin, je pense que c'est plus notre perception pour que, en fait, des gens se sentent à l'aise, en fait, de venir dans le lieu. Et après, forcément, que ça puisse aider aussi tous nos potes qui sont en galère, de lieu pour se réunir. Mais voilà, peut-être des groupes déjà constitués, mais d'avoir quand même un équilibre un peu entre des groupes déjà constitués, militants, ou en tout cas plutôt de nos cercles proches, et peut-être un lieu qui paraisse pas direct être un truc où il y a que des réunions, genre de trucs un peu de collectif obscur, donc personne sait trop de quoi on parle, etc. Et du coup voilà, de pouvoir un peu équilibrer ça, et aussi dans le fonctionnement de réfléchir c'est quoi, un peu des questions d'accessibilité, trucs genre à quelle fréquence tu fais des réunions, d'avoir quand même un fonctionnement le plus horizontal possible, avec une assemblée des usagers, où l'idée c'est pas du tout que l'asso elle soit dirigiste, l'idée c'est qu'il y ait une assemblée des usagers, ou des usagers qui fréquentent le lieu prennent des mandats, différentes commissions pour des trucs logistiques, programmes, je ne sais quoi, et qu'après ça s'organise, et forcément ça frite, tous les lieux comme ça, il y a forcément c'est toujours plus compliqué de faire des choses de manière composite que de faire des choses un peu plus dans l'entre-soi, on va dire, quoique. Mais en tout cas, après, c'est sûr que ça reste très ouvert, parce que pour l'instant, notre plus gros truc, c'est choper un lieu. et on verra bien comment. Mais en tout cas, ouais, on a déjà posé ces principes-là aussi, je pense, pour. Enfin, on avait envie de pouvoir parler du lieu et d'avoir un peu un truc fort, quoi, de pouvoir expliquer aux gens c'est quoi l'idée derrière ce lieu, et vraiment les principes de base qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on bougera pas. Un des gros trucs, voilà, c'est de dire, en fait, on veut pas payer ce lieu avec des thunes publiques, on veut pas... je pense que le seul truc, enfin, on a toujours dit que c'était ouvert à tout le monde sauf aux partis politiques, enfin voilà, je pense qu'il y a des trucs un peu qu'on a posé comme base de choses un peu non négociables, et le reste c'est quand même très ouvert à comment ce lieu se construira, quoi. Ouais, par ailleurs, sur ces questions de grands principes ou de cadre de fonctionnement, c'est aussi des choses qu'on a discutées en réunion publique, donc un peu plus que le petit groupe qui est vraiment au cœur du projet. On a fait, je sais plus, 3-4 réunions publiques qui étaient vraiment appelées en disant, bah, venez discuter avec nous. Et il y a une partie des orientations et du cadre et du potentiel fonctionnement futur qui a été écrit pendant et avec et après ces réunions publiques, parce que c'est pas 6-7 que, enfin voilà, c'était, pour nous c'était pas assez, et c'était important qu'il y ait d'autres gens autour de nous qui puissent aussi venir nous nous rencontrer, nous dire ce qu'ils pensent du projet, y participer même de plus loin, même s'ils n'ont pas le temps de se mettre vraiment la tête dans les trucs juridiques, les papiers, les statuts, les trucs comme ça, mais de quand même échanger avec les gens autour, quoi. Ouais, de ce que vous dites, ça rappelle un peu un peu l'idée ou l'image peut-être qu'on se fait hein, des centres sociaux en Italie, des centri sociali, mais aussi peut-être de ce qu'ont pu être à un moment donné les bourses du travail. Bah justement, on va enchaîner sur ce sujet-là, mais d'abord, on aurait peut-être besoin de faire une petite pause musicale. Et c'est avec Billy Brelock qu'on pourrait faire cette pause musicale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans La Mutante, elle décrit assez horriblement cette ville qui se fait charcuter de toutes parts et transformer, pour les besoins du capitalisme, en une véritable horreur dont on voudrait éloigner les militantes et les militants. Bah, l'idée, c'est peut-être d'y rester malgré ça. Fumeuse, les tarmaqueuses, goudronne à la sulfateuse, la belle joue la patronne. Rafale sulfureuse sur arbre d'automne, grande faucheuse, prochaine station, grande couronne. Habitant au pied du titan, territoire mutant, je connais ses manières, muettes, ses maniements. Limiter les élans, élimer les talents, émietter l'âme lentement, éliminer le militant. Levier, manivelle, élever le niveau, niveler au level, évoluer, renouveau. C'est la javel dans les veines du caniveau. Après les travaux, on réévaluera la dalle et ce qu'elle vaut. C'est ce que dit l'agent, c'est ce qu'on dit aux gens. Le change est gagnant et tous détergents, c'est déjà de l'argent. La mairie sourit aussi, flatterie, cachotterie, géométrie, au bistouri et le prix fera le tri. Quoi de plus efficace que le tarot pour filtrer? Fini ces années qui nous disaient mal famés. J'arrive après fond, notifique, je suis filmé. Je flâne dans mon fief et quelque chose à faner. Tu calcules pas ce bis quand il emménage dans ta tête. Un de ces quatre ans de temps, trois mouvements, il prend la manette. Le bitume sera déjà en miettes quand tu capteras le racket. Après tout se cadra sur le cours du prix de la canette. Écoutez, étant donné qu'on se voit pour un lifting du genou, inévitablement il va falloir remonter un peu. Alors ce que je peux vous proposer, les cuisses, le ventre, on liposuce et ça fera de la matière pour les lèvres. On équilibre avec un 138 ou un 121 au niveau des seins. Et ce coup de dindon, entre nous, c'est plus possible. On étire encore un tout petit peu la peau jusqu'aux tempes. Les rides, les cernes, c'est cadeau. Vous savez, mon métier, c'est de faire des miracles, quel que soit le chantier. Il n'y a pas 30 000 solutions. Incision, injection, implantation. Tous ces shops sous push-up à la sortie du bloc. Avant le premier monop, la rue sera misanthrope. Saloperie de ketchup, trop stock qui se polie, t'es troqué tes spots. Qui vient flairer la pull pour en faire de la pop. Prédateur médaillé, à quelle sauce ils vont me grailler? Dans le cul du poulailler, croquis et plan déployé. Ça y est, ça pinaille, discute le prix du loyer. Ça pile ton route comme une pute, tu pourrais plus te payer. L'empire, son emprise, qui me prend pour son Yankee. Qu'empiète sur ma banquise, reste tranquille, sale Yankee. Sa tactique vampirique, c'est du résident des villes. Son attaque est chimique et son Sephora de Belleville. Place tes déflagrations, faste réquisition, vaste infection, néfaste invasion. Entre deux vagues, je cherche une autre rive, je cherche une autre friche. J'apprends de qui je suis la pauvre, de qui je suis la riche. Tu calcules pas ce bis quand il emménage dans ta tête. Un de ces quatre ans de temps, trois mouvements, il prend la manette. Le bitume sera déjà en miettes quand tu capteras le racket. Après tout se cadra sur le cours du prix de la canette. Bagnolet, Montreuil, Clichy, Pantin, Malakoff, Nanterre, Saint-Denis, Saint-Ouen, Gennevilliers, Brixton, Kreuzberg, Ivry, Poblenou, El Callao, Mantes-la-Jolie. Radio Libertaire, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM. Et nous venons d'entendre Billy Brelock qui égayait nos oreilles de sa voix chatoyante alors que nous sommes en train de parler de locaux dans le 93, de locaux autogérés. Vous êtes sur l'émission de la CNT Éducation de Seine-Saint-Denis et Louisa et Maëlle sont avec nous encore pour continuer de nous parler un peu de la situation des lieux qu'on peut essayer de transformer pour essayer de maintenir une activité militante dans... dans nos quartiers, dans nos villes. Alors justement, vous parliez un petit peu avant de ce que ça devait être et de comment ça devait fonctionner, ce système de fonctionnement-là. Vous pouvez peut-être nous parler un peu d'un de vos alliés, en tout cas d'un lieu allié à Aubervilliers, c'est la Bourse du Travail. Alors bon, les bourses du travail, les auditrices et auditeurs connaissent un petit peu le principe, même s'il a été quand même, il faut en parler de cette histoire-là, assez modifié durant le temps, c'est-à-dire que de quelque chose qui appartenait véritablement aux organisations ouvrières et travailleuses et travailleurs entre le 19e et le 20e siècle, elles ont petit à petit basculé sous un contrôle municipal à partir des années 50-60, surtout dans l'idée que si les municipalités étaient de gauche, alors c'était bon, c'était le combo gagnant. Sauf que il paraît que l'histoire s'est pas terminée. Et que par conséquent, la révolution n'ayant pas complètement triomphé, eh bien, il y a toujours des droitards en embuscade qui se tiennent là, prêts à profiter de la division de certains partis politiques pour récupérer les pouvoirs dans les mairies. Et alors là, la situation devient plus croquignolesque. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la BT d'Aubervilliers ? On peut carrément parler un peu de la BT d'Aubervilliers, en sachant que par ailleurs, il n'y a pas que les partis de droite qui s'attaquent aux bourses du travail, si je ne dis pas de bêtises. À Saint-Denis, ça se passe pas extrêmement bien et c'est pas une mairie de droite. Mais le PS, c'est de droite. Ouais, le PS, voilà. C'est de droite, voilà. En tout cas, toujours est-il qu'à Aubervilliers, on a une mairie qui est bien de droite, malgré le fait que les électeurs votent plutôt à gauche, voire très très majoritairement à gauche. Aux dernières élections municipales, il y avait 3 listes au second tour, une liste de droite qui a fait 34%, deux listes de gauche qui ont fait 33% chacune. Ce qui fait donc qu'on se retrouve avec une maire de droite et la Bourse du Travail d'Aubervilliers. Ce sont des locaux municipaux qui sont relativement récents. Alors je ne saurais pas dire exactement de quand, mais ça fait une dizaine d'années maximum qu'ils ont été construits. Enfin, la Bourse, elle a pas mal bougé. Elle a été mise à disposition des syndicats par la précédente mairie. Et puis là, il y a 2-3 ans, la maire et son équipe municipale se sont dit... Bon, on récupérait bien ces locaux, d'autant qu'ils font des travaux autre part et que ça les arrangerait bien de mettre des assos, parce qu'il y a aussi de moins en moins de locaux associatifs. Et donc, ils ont d'abord dit au syndicat qu'ils allaient les mettre dehors et qu'ils pourraient revenir s'ils demandent gentiment réserver des salles. Ce à quoi les syndicats ont répondu, bah non, c'est la Bourse du Travail, en fait, nous on va pas partir, on va rester là. Et donc, la maire a fait un procès pour récupérer la Bourse du Travail, qu'elle a perdu en première instance. Elle a perdu ça en première instance parce qu'elle est allée au mauvais tribunal. Elle a fait un procès, alors si je dis pas de bêtises, c'est que je me mélange pas, elle a fait un procès au tribunal judiciaire, et le juge a donc dit, il y a quand même des missions de service public pour les syndicats, donc il faut aller au tribunal administratif. C'est mauvaise porte. Mauvaise porte, oui. C'est perdu. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle a fait appel au tribunal judiciaire. Elle a perdu son appel, alors même pas parce que le juge a dit exactement la même chose, elle a perdu son appel parce que elle a mal fait l'appel et que du coup c'est tombé pour vice de procédure. Voilà, du coup aujourd'hui, la Bourse du Travail est un peu plus. Disons qu'il n'y a plus de procédure en cours. Il y a des municipales, comme vous le savez, et donc l'espoir c'est un peu que la prochaine équipe municipale ne relance pas ce projet de reprendre la bourse, même s'il y a quand même des sujets sur la bourse qui fuient littéralement un peu partout à l'intérieur, enfin qui est dans des assez mauvaises conditions, et donc ce sera nécessairement à la mairie de faire des travaux, ou en tout cas de s'arranger avec les syndicats. Mais voilà, il y a quand même eu pendant bien 2 ans des luttes en continu où la bourse était menacée, voire vraiment menacée, on se demandait s'il n'allait pas y avoir des expulsions. Et il se trouve que nous, on les connaît assez bien, on a des camarades dans les différents syndicats, on a des camarades syndiqués, et puis surtout depuis avec la fin progressive des squats, il y a des collectifs auxquels on participe qui s'organisent, qui font des réunions, qui font des soirées de soutien à la bourse. On a fait des cantines à la bourse, on a installé une petite cuisine à la bourse dans laquelle on a pu faire des cantines. Et puis on a même fait nos réunions de la locale solidaire et les réunions publiques dont je parlais tout à l'heure à la Bourse du Travail. Et donc c'est un lieu... c'est un lieu qui est assez précieux parce que quand on a besoin d'une salle pour s'organiser, même si elle n'est pas extrêmement bien située, elle est vraiment tout au bout d'Aubervilliers. Pour ceux qui connaissent Aubervilliers, c'est quand même un des rares lieux où on peut réussir à obtenir une salle assez rapidement, notamment du fait qu'on n'ait pas besoin de demander à la mairie. Ouais, c'est quand même... je trouve, après, ça tient quand même aux gens qui... Enfin voilà, aux camarades qui n'y tiennent, les unions locales qui sont présentes à la bourse et qui ont... je pense quand même vraiment porter un truc de faire de cette bourse un lieu ouvert. Et mais en fait là, toutes les dingueries qui s'est passé, enfin toutes les dingueries sur les squats, les expulsions, ben en fait quand tout le monde se retrouve à la rue du jour au lendemain, bah ben, on a fait des réunions à la bourse, il y a eu des repas à la bourse pour les gens qui avaient plus de maison et qui voilà pour se continuer de se retrouver, de s'organiser. Enfin en fait cette question, je trouve que ça a vraiment incarné cette question du lieu. Et en fait t'as beau avoir un squat depuis avec bah type le Batiscaf avec des dizaines d'habitants qui vivent ensemble depuis plusieurs années, etc. Le jour où il n'y a plus de lieu, les gens ne sont pas forcément hébergés, etc. Bah, ça dispatche tout le monde. Et en fait, c'est aussi parce que tu as des lieux où les gens ils peuvent continuer de se réunir. Enfin, voilà, d'avoir une continuité. Pareil avec les trotteuses, la trotteuse, où en fait, ça fait quand même un lieu où il y a des repas régulièrement. Du coup, les gens ils se recroisent, etc. Et moi, je trouve que ça... Ça nous a aussi vraiment montré genre l'intérêt en fait d'avoir des lieux ouverts qui soient aussi un peu des repères je pense pour des gens qui ont lutté, vécu ensemble ou des gens qui sont en galère et qui sont un peu éparpillés. Je pense qu'en Île-de-France, il y a vraiment quand même ce truc d'atomisation où tout le monde se retrouve aux quatre coins du monde et enfin de l'Île-de-France, mais ça peut être large. Et c'est quand même trop bien d'avoir un lieu. Je pense que pour tous les mouvements sociaux qu'il y a eu ces dernières années, la bourse, ça a été un lieu juste trop bien pour s'organiser, faire des points de départ en manif ensemble, faire, je sais pas, des pancartes, des banderoles ensemble. Enfin, c'est trop bien, en fait, d'avoir... je pense que... Et c'est cool parce que c'est quand même de la volonté et c'est là où, ben, quand même... Enfin voilà, ça appartient à la mairie, c'est mis à disposition, mais il y a quand même une certaine autogestion à l'intérieur, en tout cas autonomie de décider qu'est-ce que tu fais d'une bourse du travail, puisque clairement il y a d'autres bourses du travail qui n'ont pas vraiment cette direction-là. Enfin voilà, je pense qu'il y avait quand même vraiment une volonté collective des personnes qui font la bourse et des camarades syndiqués, syndicalistes. De l'ouvrir et d'en faire un lieu vivant, quoi, aussi. Malgré le fait que ce soit, comme tu le disais, hyper excentré. Et ça, c'est aussi parce qu'on les a bougés. Enfin, il y a quand même déjà eu un truc de les virer du centre-ville. Voilà, la bourse, elle était en plein centre-ville. Et là, c'est quand même assez excentré dans un... Enfin, c'est vers le... vraiment les quartiers où il n'y a que des grossistes, enfin il y a peu d'habitations, donc voilà, donc c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui passe devant la bourse, enfin c'est pas pour rien qu'ils ont foutu ça à un endroit où il n'y a pas beaucoup de passages, et clairement voilà, c'est cool que ce soit un lieu ouvert pour les gens qui veulent y aller, etc., mais ça reste quand même hyper excentré, et je pense que s'il y a un lieu comme ça existait en plein centre-ville, enfin ce serait trop cool parce que ça pourrait aussi permettre à plein de gens, je pense, qui juste passent jamais dans le quartier où c'est actuellement, quoi, de fréquenter la bourse. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est quand même vraiment un bon exemple de ce qu'on peut faire quand même, en vrai, aussi avec les lieux qui nous restent. Et en vrai, les bourses du travail, ça fait partie des lieux quand même qui nous restent. Enfin, voilà, partie des lieux qui existent encore et qui sont en effet menacés. Enfin, la situation à Saint-Denis, clairement, elle est assez différente. Bon, c'est une grosse bourse, enfin voilà, c'est pas du tout les mêmes configurations, mais et la mairie veut aussi mettre la main dessus, quoi. On voit bien que c'est des endroits qui dérangent, clairement. Ouais, l'alliance justement entre les bourses du travail qui pourraient à nouveau reconnaître un mouvement en fait de fédération comme elle l'avait connu à la fin du 19e, qui avait conduit ailleurs, d'ailleurs, à la constitution de la CGT à l'époque, avec l'ensemble du mouvement de résistance qui s'organise à différents niveaux contre le capitalisme et la destruction de nos espaces et de nos lieux de vie, ou en tout cas sa privatisation, c'est effectivement la perspective qui serait la plus enrichissante. Vous prévoyez d'ailleurs peut-être que les syndicats puissent aussi venir dans le local quand il sera ouvert. Bah, disons que vu qu'ils nous accueillent depuis 2 ans, on serait quand même mal placé pour leur dire que non. Par ailleurs, il y a déjà des syndicats qui nous ont contactés, pardon, pour éventuellement faire des permanences, et évidemment c'est des choses auxquelles on est ouverte tant que ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a de la place pour faire d'autres choses, oui ça fait partie des choses qui sont importantes. Vous parliez de réunion publique, on va peut-être parler un peu d'agenda. C'est quand votre prochaine réunion publique? C'est mercredi. Demain. Ouais. C'est demain. Mais en gros, on se réunit un mercredi par mois. L'idée là, enfin, en gros, on a fait un peu, on a un peu une double orga, c'est-à-dire que on est un petit groupe à s'organiser un peu vraiment à bosser un peu quotidiennement sur le projet, et c'est un groupe rejoignable, mais avec un peu l'idée que voilà, si tu rejoins le groupe, c'est que t'as un peu la déter quand même de participer activement au projet, quoi. Et après, il y a plus l'idée de faire des réunions publiques régulièrement. Du coup, on a fait ouais 3 ou 4. Où là, il y a plus l'idée de un peu discuter plus collectivement de qu'est-ce que les gens de la ville, en tout cas les gens qui viennent à la République, mettraient dans l'idée d'un lieu et tout. Et nous, ça nous nourrit aussi plus sur l'idée de construction d'un lieu. Mais c'est pas forcément l'espace où on se fait chier à regarder des annonces de lieux, à réfléchir à montage financier, je sais pas quoi. Mmh. Donc voilà, il y a un peu deux temporalités. Je pense que ce qui est cool et important à dire aussi, vu qu'on est sur une radio publique et largement écoutée, c'est que c'est possible de faire des événements de soutien. Oui, et justement. Voilà, on aimerait bien aussi, et c'est cool s'il y a des gens qui ont un peu envie de nous soutenir, et du coup, c'est totalement possible de nous contacter. Et voilà, même des gens qui sont pas à Paris et qui se disent que, je sais pas, qui ont un lieu. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens en dehors de Paris qui ont des lieux et qui ont la capacité d'organiser des petites soirées de soutien, des petites cantines, etc. Et voilà, ça fait, c'est aussi... on envisage un peu quand même que le lieu soit nourri de solidarité nationale et au-delà. Et là, du coup, on a un peu l'idée de faire un événement à Aubervilliers. Qu'on devait faire là, mais au final on va pas le faire en février, mais du coup ce sera sûrement en mars, mais du coup on n'a pas de date exacte. On va sûrement faire une grosse soirée en juin ou... désolé, vraiment pour l'instant les dates sont pas précises, on n'a pas les dates exactes, mais du coup en juin il y aura une grosse soirée au Hangar Debout, qui est un lieu à je sais jamais, Bobigny, voilà, à la frontière Bobigny, le Sec, Romainville, quoi. Et du coup, avec l'idée de plutôt faire une soirée, on avait fait une cantine à la cantine des Pyrénées en décembre. Et donc, il y a un peu l'idée voilà, de faire tourner dans les lieux qui veulent bien nous accueillir pour récolter un peu des thunes et faire connaître aussi le projet. Et les réunions publiques, je pense qu'on va en faire une aussi bientôt, qu'on annoncera. Voilà. Ouais. Il y aura une soirée au CICP probablement septembre. En septembre. C'est pareil, la date est dans les cartons, aussi. Ça arrive. On est sur les cartons, mais vous serez tenus au courant, camarades écouteuses, camarades écouteurs. En parlant des différents lieux qui permettent justement de créer ce genre d'émulsion et qu'il faudrait peut-être contacter, hein, parce qu'ils seraient peut-être intéressés de faire des soirées de soutien, il n'y en aurait-il pas un intéressant à Nantes ? Si, tout à fait. Bonsoir. Alors, salut, Paul. Salut, je viens de rejoindre. Salut, Louisa. Salut, Maël. Salut. Enfin, moi, je suis d'accord, je trouve que c'est hyper important. Il y a plein de villes où il y a au moins un lieu comme ça qui permet le ralliement, alors de différentes envergures, différents montages. Il y a genre les tanneries à Dijon, la Gueule Noire à Saint-Étienne, le B17 à Nantes, qui sont souvent... qui sont des lieux qui permettent de se retrouver et qui souvent font vivre la vie militante dans toutes ces villes, quoi. Et effectivement, et notamment, puisqu'on parlait de soirées de soutien, etc., ça permet d'organiser des bons petits concerts. Et il y en a un qui est rigolo à Nantes, qui s'appelle les Ateliers de Beach, qui est un espace de concert assez sympa, où il y a des collectifs qui peuvent du coup organiser des choses. Et ça fait la transition avec le prochain son qu'on va mettre, hein, puisque c'est... Du coup, un groupe irlandais qui s'appelle Simpos et qui sont venus à un concert, justement, à un festival à Nantes organisé par des copains du Nafoot Crew. Donc, c'est un crew de skin antifa, de Vendée, de Saint-Denis l'Achevé, pour celles et ceux qui veulent savoir. Des personnes sympas. Des personnes sympathiques. Et donc, le petit son qu'on va passer, hein, c'est F-Bank Punk's Not Dead. Donc, Simpos, c'est des Irlandais du Sud-Est, c'est de la Oi, en gros, ça, ils sont un peu skin, un peu punk. Des Irlandais du Sud-Est, tu veux dire Nice ? Ouais, tout à fait, de Waterford. Ah, celui-là. Sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. J'adore le faire, c'est pour ça que je t'ai piqué le micro. Et c'est l'émission de du STE 93, le syndicat. Le STE, le syndicat des travailleuses de l'éducation du 93. Ouais, très bien, merci. Donc on est toujours avec les camarades de la locale. Merci beaucoup d'être venus. Vous allez bientôt nous quitter. La petite dernière question qu'on va se poser, c'est si vous avez un dernier message que vous voulez envoyer avant de partir. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos multiples auditeurices ce soir? Et peut-être qu'on peut commencer par vous demander, vous dire que si jamais vous avez des lieux à louer ou à vendre sur Aubervilliers ou alentour, n'hésitez pas à nous mettre un petit mail ou un petit message. Notre mail, c'est la locale avec un E solidaire @proton.me. On a aussi, si vous tapez la locale solidaire, on a un site internet qui est pas très garni parce qu'il est là pour ne pas effrayer les propriétaires qui pourraient nous le vendre, mais il y a le mail dessus, donc vous pouvez nous retrouver comme ça. Et puis je crois qu'on est sur Instagram aussi, mais tu sais peut-être mieux que moi. Ouais, il y a un compte Instagram qu'on a créé juste pour faire tourner, parce que du coup on a fait une cagnotte là qu'on a lancée depuis septembre, où on avait un objectif qui était un peu notre somme de départ qu'on a atteint. Et aussi pour faire les dons défiscalisés là avant la fin de l'année, etc. Et du coup, on a fait un petit compte Instagram pour pouvoir la faire tourner. Quand même, beaucoup de choses se passent sur Instagram, malheureusement, aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, il y a le compte Instagram, c'est pour un local solidaire autogéré à Aubervilliers. Et sur le compte Insta, il y a aussi le mail et le lien vers la cagnotte. Et sur la cagnotte Hello Asso, il y a plus détaillé un peu tout ce qu'on a expliqué, un peu notre texte, en gros, de nos principes et l'usage et le fonctionnement tel qu'on l'envisage pour le lieu. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller voir tout ça. Eh ben, au top. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous parler de ce projet qui, au STE 93, nous intéresse beaucoup. Et puis, vous nous tenez au courant de quand vous avez les dates précises, genre des événements. Mais nous, on vous tient au courant du tout aussi. Ça marche carrément. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. C'était trop cool. Bah, merci. C'est un plaisir. Et ben, écoutez, camarades, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, ah ouais, j'avais un truc à dire. Les dons défiscalisés. Je sais, ça fait bizarre de dire ça comme ça à Radio Libertaire, mais figurez-vous que notre magnifique gouvernement français a décidé de faire passer le budget de l'armée en deuxième place devant l'éducation. Donc quand vous le défiscalisez, bah, c'est ça en moins que vous refilez aux bidas et aux fabricants d'armes. Donc défiscalisez, allez-y, faites de l'optimisation de fou pour pas donner d'argent à l'armée parce qu'on veut pas crever dans la boue. Et n'oubliez pas que les cotisations syndicales sont également défiscalisées. Ah ouais, adhérer au syndicat comme ça, bah, ce sera pour les syndicats l'argent et pas pour l'armée. Mais adhérer au bon syndicat quand même. Ouais, le bon syndicat, vous savez c'est lequel ? Eh bah, ben, c'est le nôtre. Et d'ailleurs, on va vous faire écouter notre hymne, mais dans une version très particulière, celle des Féminas Gules qui nous chantent à las barricadas. C'est une reco de Sam, à qui je fais un énorme bisou. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah ouais, Féminas Gules. Groupe avec un jeu de mots dans le nom. Ah ouais, bah, avant que ça se lance, hein, c'est important. C'est le groupe de Margaret Killjoy qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Le Pays des Fantômes. C'est publié chez Argyle et c'est très sympa puisque dans la continuité d'Ursula Le Guin, c'est de la SF. Yeah! me las tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte contra el tempestes agiten els aires, núvols sinistres enceguen l'esguard. Tot i que ens esperi la mort més cruenta, contra l'adversari haurem de lluitar. Lluita! Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, et vous êtes, comme tous les deuxièmes mardis du mois, sur l'émission du syndicat des travailleuses de l'éducation du 93 de la CNT. Alors, on a retrouvé notre jingle, on a perdu Panna Cotta, notre animateur, entre-temps, mais du coup, vous êtes avec moi, Polov, et avec Quaël. Bonsoir, Quaël. Coucou. On en profite pour dédicacer la régie, hein, Sidonie et Veuche, qui font un travail super depuis le début de l'émission. Donc, deuxième partie d'émission plus musicale. Alors, On va partir de groupes plutôt locaux. Hein. Notre idée, c'était qu'avant, on organisait plein de concerts dans notre super siège, les Vignoles. On va essayer de continuer d'organiser des concerts. Et du coup, on va continuer à écouter de la ZIC, si possible, la plus locale possible, parce que ça nous fait plaisir, et aussi parce que c'est nos potes. Alors, on va commencer avec du rap, avec du coup un groupe qui s'appelle Ujamaa. Donc, Ujamaa, c'est un groupe de trois personnes, donc un rappeur, une saxophoniste, chanteuse, multi-instrumentiste, et un troisième copain qui fait la basse, qui fait les mix, etc. Ils ont sorti un premier EP il n'y a pas si longtemps. Il y a un deuxième EP qui arrive, Inch'Allah, en septembre. De leur propre aveu, hein, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, c'est du rap d'intello. Hein, Namas, c'est un bon copain. Le chanteur, on a habité ensemble pendant quand même plusieurs années. Et donc, je vous propose de passer le dernier son de leur EP qui s'appelle donc Bout de Chandelle. On va envoyer ça tout de suite. La zone, il faut agir, mais on fait que de chanter. On veut que tout brûle, on fait des économies. Bout de chandelle, tu veux faire de l'humanitaire, va porte de la chapelle. Je veux qu'il y ait 150 Rojava, je veux qu'il y ait 300 chapas. La zone, il faut agir, mais on fait que de chanter. On veut que tout brûle, on fait des économies. Bout de chandelle, tu veux faire de l'humanitaire, va porte de la chapelle. 300 Rojava, 250 chapas. Ruelle obscure, ciel impavi. Parfois au réveil, je comprends ceux et celles qui veulent pas vivre. Pour ça y'a rien de pire que Paris. Jamais vu autant de gens se mettre d'accord pour ne pas rire. Et viens on parie qu'un gosse canné par un chien de mercenaire, y'en a un pareur. Tout ça c'est pas réel. Je crois plus en mes rêves qu'à cette réalité plus triste et froide qu'un vieil opéra de ce gros bâtard de Schoenberg. Ça c'est pas dormir, ça gamberge. J'ai fait un rêve où on se libère. Au réveil trouve encore ce putain de concert qui hiberne. J'ai fait un rêve où on se libère. Au réveil trouve encore ce putain de vaussaire qui hiberne. Mais on fait que chanter. On veut que tout brûle, on fait des économies. Bout de chandelle, tu veux faire de l'humanitaire, va porte de la chapelle. Je veux qu'il y ait 150 Rojava, je veux qu'il y ait 300 chapas. La zone, il faut agir, mais on fait que chanter. On veut que tout brûle, on fait des économies. Bout de chandelle, tu veux faire de l'humanitaire, va porte de la chapelle. Je veux qu'il y ait 150 Rojava, je veux qu'il y ait 300 chapas. Laisse tourner le vinyle. J'suis dans la détresse. Comme quand ça me grattait trop à cause des tresses. Ils prennent notre sang, ils prennent des traces. Ces chiens de l'enfer nous détroussent. Gros, c'est pour ça qu'on se détruit. Short chez One, tête dans le cul, je m'esquille. Les témoins de Jéhovah et les trotskistes. Les ministres ont le nez dans la poudreuse. Ouais, peut-être ils ont fait Trotsky. Ils nous la mettent à l'envers comme si on marchait sur les mains. Je peux pas aimer ce pays, il a trop de sang sur les mains. Bien sûr, je déteste la police, ma gueule, je m'appelle Adama. Tu viens, tu plaides, c'est le chantier ou bien l'ivoir comme Souleymane. Donc, je suis noir en art, mon frère, pas patriote. Je suis plus vélo, ma soeur, je suis patriote. Ah, fuck un tyran, fuck un patriarche. J'écoute la concu, ça vole pas très haut. Attends, je redis. Je suis noir en art, mon frère, pas patriote. Je suis plus vélo, ma soeur, je suis patriote. Fuck un tyran, fuck un patriarche. J'écoute la concu, ça vole pas très haut. Attends. Si le requin te fait un sourire, est-ce que tu oublies ses armes? Si le poisson pleure dans l'eau, est-ce que tu vois ses larmes? Si le requin te fait un sourire, est-ce que tu oublies ses armes? Si le poisson pleure dans l'eau. Et nous sommes de retour sur Radio Libertaire 89.4 pour l'émission de la CNT Éduc 93 pour les travailleuses de l'éducation du 9-3. Et c'était Oujama. Donc Oujama, hein, La Courneuve, Montreuil, en gros, pour, et Belleville. Pour l'origine du groupe, vous pouvez tout trouver sur SoundCloud. Quoël, après c'est toi qui nous as choisi du coup un autre son qui vient de notre char 93. Et oui, King Kong Meuf, groupe de punk gr du 93, Montreuil plus précisément. Un groupe de meufs énervées avec Didi à la batterie, Jack à la basse, Bébé au chant et Yanis à la guitare, on pense à lui quand même. Elles sont souvent à poil sur scène, ça leur vaut les foudres des vieux cons punk qui crient à poil toute la journée. Elles crachent du feu sur scène, enfin Didi utilise du feu pour taper sur sa batterie, ça pète sa mère, ça envoie. Elles ont des pompes coquées de temps en temps, 2 kilos sous chaque pied. Et du coup on va enchaîner sur Kamikaze Étincelle maintenant. N'importe quel père coqué, 2 kilos sous chaque pied, des barres de fer forgées en extension au poignet, poids américain et jambes d'air en titane. Des doigts en acier, tu pourras plus jamais toucher, barricadé jusqu'aux ongles, énervé, y'a que ça qui compte, poids américain et jambes d'air en titane. Et un masque en fer, kamikaze étincelle, et un casque en or, j'barricadé tout mon corps, poids américain et jambes d'air en titane. Manque à rien de mon attirail, manque à rien de ma carapace, poids américain et jambes d'air en titane. Vous êtes de retour sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous connaissez la rengaine. Donc c'était King Kong Meuf. Moi je suis hyper content parce que pendant hyper longtemps, King Kong Meuf, il y avait genre 5 sons. Et alors ils sont très bien, mais c'est relou d'écouter 5 sons en boucle. Et du coup tu me disais qu'il y a des actualités, genre un nouvel album, c'est ça ? Alors il y a un album, c'est des chansons qu'elle joue depuis très longtemps sur scène, mais on peut les écouter sur toutes les plateformes, avec des reprises à la trompette pour une certaine chanson. Et Kamikaze Étincelle qui est sortie il n'y a pas très longtemps non plus. Si vous voulez les voir en live, elles sont au Festival Carnaval Solidaire à Villeurbanne, mi-mars. Et sinon, au Centre culturel John Lennon, le 27 mars, avec Krav Boka, Poésie Zéro et Schlass, à Toulouse, le 18 avril, et le 29 mai, à Nantes, pour le festival Le Ferrailleur. Et on peut enchaîner sur un autre groupe de punk du 93, que Paulov va nous présenter. Alors, les aléas du direct, hein, les fermières, c'est un camarade qui finalement ne peut pas être là ce soir, qui nous les a conseillés, donc on pense à lui. Et du coup, en fait, on va découvrir en même temps que vous, hein, les leçons des fermières, mais je vais vous lire le petit texte qu'ils nous avaient écrit. Hein, donc c'est du rock alternatif élevé en plein air, pour le nom sur l'affiche. Donc apparemment, c'est trois parisiens parisiennes coincés à la ville qui, selon leur propre dire, sont impatients que la ligne 13 soit prolongée jusque dans les champs pour vivre leur meilleure vie. Et comme pour l'instant, elles sont coincées en région parisienne, elles se consacrent à la musique, à la révolution et nous racontent leurs emmerdes et leur quotidien. Bon, globalement, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de sons qui tournent autour de la police. Comme on est des gens assez basiques avec Quel, on en a choisi un qui s'appelle « Nique les poulets ». Après, peut-être que ça parle de batterie en plein air, je sais pas. Trigger warning, potentielle violence policière. Mais du coup, on va envoyer ça tout de suite. Nique les poulets ! D'abord en France, violence, la police, elle rassure. Fais pas peur, elle rassure. Quand j'entends le mot violence policière, moi je, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence policière, une violence légitime. Les violences policières en France, c'est un mensonge, ça n'existe pas. Alors, on a vu des violences de manifestants, mais jamais de violences policières en France. On n'a pas une police. Oh, si je m'en fous, je suis toujours. Si je voulais, si je voulais, on va se révolter. J'ai 20 ans, c'est mes premières manifs. Mais les traces que tu laisses, elles sont toute ma vie. Tes coups de matraque me réveillent encore la nuit. J'ai beau y réfléchir, il n'y avait pas de motif. Et franchement, même une vitrine cassée devrait pas être une excuse pour tenter de me tuer. T'as frappé en fixant droit dans les yeux. J'ai hurlé en suppliant tout ce que je peux. Mais t'as continué sur le camarade d'à côté. Parce qu'apparemment tu t'en foutais de nous blesser. Je peux plus mettre un pied dehors sans angoisser. Dès que j'entends ACAB, je me mets à trembler. Parce que je m'attends à devoir débarquer. Quand je vois des vidéos de violences policières, je panique et j'ai du mal à respirer. Je sais pas qui devrait le plus être en colère. Celui qui frappe ou celui qui a terre. Celui qui est armé ou celui qui est blessé. Toutes les semaines, ma psy dit je suis traumatisée. Pourtant, même si j'ai peur, j'ai la haine plus que jamais. En frappant, t'as voulu me dissuader de me révolter. Mais au final, tout ce que t'as fait, c'est m'encourager. Et vous êtes de retour sur Radio Libertaire 89.4. Alors, est-ce qu'on valide quoi, elle, de faire bien ? Excellent. Ouais. J'adore Nick les Poulets. Hein. Ouais, on valide fort Nick les Poulets. Hein. Donc, alors, si vous voulez, vous pourrez les voir le 18 février au Supersonic à Paris. Ainsi que, tu disais, à l'Harmonie à Montreuil ? Ouais, mais je sais pas quand j'ai vu l'affiche. Ok. Bon, bah, on va enchaîner, du coup, avec toujours du punk, mais cette fois du surf punk. Et ouais, du surf punk. C'est un peu plus chill, mais franchement, ça envoie quand même. Alors, Sexwax, c'est un groupe qui est tout jeune de région parisienne. Ils se décrivent comme de la post-apocalyptique brutal surf music. C'est très complet comme description. Ils sont en équipement militaire sur scène avec du camouflage sur leurs instruments de musique. Parfois, il y a même des banderoles keep out devant la scène. Faut pas les déranger quand même. Des pics partout, ils sont masqués. On sait même pas qui c'est. Ça envoie, c'est vraiment stylé. Et puis, bah, sur scène, c'est vraiment des brutes. C'est une expérience de les voir en concert. En plus, leur musique est super cool. C'est des reprises de surf, de classiques de surf, avec du bon gros punk qui envoie. Et du coup, on va vous faire écouter Bombora de Sexwax. Arrêtez ça, bon Dieu! Vous croyez pas que c'est un peu risqué d'aller faire le zouave? Si je vous dis qu'on peut faire du surf sur cette plage, capitaine, c'est qu'on peut faire du surf sur cette plage! Hey. Et on est de retour sur Radio Libertaire 89.4, toujours l'émission du syndicat des travailleuses de l'éducation du 93. Et c'était Sex Wax. Ils sont en concert à la Bicyclette le 28 février. Loupez pas, c'est vraiment excellent. Avec d'autres groupes de surfpunk. Et on va enchaîner Mais c'est un vrai truc le surfpunk. La vie de ma mère, c'est un vrai truc. Et ça pète. Il y a aussi Los Muertos, franco-mexicain, le groupe. Ok. Ils sont masqués aussi. Je crois que c'est une habitude chez les surfeux. Mais sinon, le 15 février, il y a un concert Kanak. Eh ben, ça nous permet de faire une transition parfaite avec l'agenda, puisque, comme d'habitude, hein, avant de quitter l'émission, on va vous balancer quelques petites dates d'actualité à venir. Pour commencer, dès ce vendredi, hein, nous serons travailleuses de l'éducation en grève dans le 93, donc une grève à l'initiative de trois collectifs, BouchetaPref, RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, et l'Interlycée. C'est une grève qui concerne essentiellement la régularisation de nos élèves sans papier du 93, et plus largement la question de la politique menée par le gouvernement depuis 10 ans maintenant, hein, de restriction des droits des sans-papiers, des possibilités de régularisation, hein, la construction d'un arsenal juridique de plus en plus abusé, j'ai pas d'autre mot, en gros pour construit progressivement par Gérard Collomb, Darmanin, Retailleau, etc. etc. Cette grève, hein, c'est rassemblement à la préfecture. Enfin, on partira de la direction des services départementaux de l'éducation nationale pour terminer à la préfecture. Et c'est à 15h, si je dis pas de bêtises. Je crois bien, oui. Oui, c'est 15h-17h. 15h-17h à Boboche. Et pour bien finir la semaine, sinon, dimanche 15 février, au CICP, il y a une soirée de solidarité Kanaki avec un concert. Il me semble qu'il y a Johnny Montreuil aussi, comme d'habitude. Il est encore vivant, Johnny Montreuil. Tuez-moi, tout de suite. Et oui. À partir de 17h et puis jusqu'à 22h, vu que c'est au CICP, soirée avec du reggae, me semble, Kanak, qu'on peut vous faire écouter. Alors, le problème, c'est que on n'a pas enregistré le nom du groupe, mais on va faire confiance à notre camarade Romain pour revenir bien vite et nous donner le nom du groupe et le nom du titre après. Ça s'appelle Peicho et Article Band Kanakinapok. Et vous avez entendu à 12 heures de Sidonie. Comme si tu ne me connaissais pas. Comment veux-tu qu'on puisse avancer si quand t'es vexé, tu tires dans le tas? Moi qui pensais que t'avais changé, apparemment ce n'est pas le cas. Liberté, dignité, pour nous, c'est un état naturel. Kanaki n'a pas aucun diable. Soldats d'aujourd'hui, nous sommes les rescapés de l'oubli. Militants malgré nous, mais à quel prix? Tu sais, nous on s'en fout de l'économie. Je suis nationaliste pour ma Kanaki. Où est l'humanité dans les colonies? Justice et vérité pour tous nos martyrs. Ne dégne ni minage. Liberté, dignité, pour nous, c'est un état naturel. Kanaki n'a rebelle éternelle. Liberté, dignité, pour nous, c'est un état naturel. Kanaki n'a aucun diable. n'as-tu pas honte de nous trahir, de cautionner les milices, les tueurs c'est le pire. On pardonnera jamais, on n'y arrivera pas. Tu peux toujours parler, on t'écoutera pas. On préfère mourir debout, mais que de vivre à genoux. Et nous sommes de retour encore sur Radio Libertaire 89.4 pour la suite de ce calendrier. Donc, très rapidement, hein, il nous reste... bon, on a deux points. Il y a donc une grève intersyndicale dans l'éducation le 17 février. Et puis, on va tranquillement arriver sur la période où on va recevoir des jolis mails de promotion pour le maquillage, le vernis à ongles, etc. C'est bien évidemment bientôt la date du 8 mars. Alors, bien évidemment, le 8 mars, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée de la lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. Mais un aspirateur, c'est quand même sympa. Mais du coup, manif le 8 mars, parce que ça tombe un dimanche, malheureusement, pas de grève cette fois. Et on enchaîne sur un son, du coup ? Bah, je pense qu'on va enchaîner sur un son. Ceci dit, sur les aspirateurs, il y a de plus en plus un packaging hyper masculin agressif, genre en mode Rowenta 2000 XXL, etc. Ça devient high-tech en plus. Peut-être que c'est ça qui va finalement rééquilibrer les tâches domestiques, tu vois, c'est le packaging masculin. Peut-être que l'aspirateur is the new crypto, hein, franchement, la tech, on sait pas. Et on va, comme on est sur une émission assez musicale et aussi sur les lieux qui permettent de faire vivre un peu nos luttes, on va arriver sur avril, et autour du 10 avril, il y a le festival United We Stand qui a lieu au Cirque Électrique. Donc United We Stand, c'est organisé par des copains, Quepon, Skin, Antifa. C'est sur deux jours, c'est au Cirque Électrique, donc à Porte des Lilas. L'an dernier, il y avait des super groupes, il y avait par exemple des Italiens qui s'appellent Sempre Peggio. Et du coup... cette année, en regardant la programmation, j'ai commencé à écouter. Alors, il y a un groupe qui m'a tapé dans l'œil, c'est Tomar Control. Je parle pas du tout espagnol, excusez-moi pour cet accent dégueulasse. Donc, Tomar Control, c'est des Péruviennes qui font du hardcore punk. Donc, on va écouter tout de suite un de leurs sons. C'est le premier son de leur dernier album. Il s'appelle Una Vez Más. Nada pudo pararnos. Et vous êtes de retour sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, et on a retrouvé Romain qui était caché avec le jingle dans le placard. Ouais, il y a une époque où j'avais un pseudo, mais tout le monde a oublié. Donc... Ah oui, c'est vrai ça. bonne idée. Mais merci, parce qu'après tout, bon... À quoi bon, foutu pour foutu. Oui, camarade, excusez-moi, mais en fait, j'étais ailleurs. Et on a oublié de vous rappeler que Pecho, que vous avez entendu tout à l'heure, le son, eh bien, c'est un groupe qui sera présent à l'occasion d'une soirée de solidarité avec les déportés et prisonniers kanak. Car oui, la situation en Kanaky reste des plus problématiques, puisque, pour rappeler un petit peu, en mai 2024, toute la Kanaky s'est soulevée contre le projet de dégel du corps électoral. C'était un projet qui constituait une entrave grave au processus de décolonisation dans lequel le pays était engagé depuis les accords de Nouméa. Des révoltes ont éclaté, des barricades ont été érigées, des mutineries ont été organisées et un tiers des cellules de la prison de Nouméa est parti en fumée. Yes. La répression, cependant, a été féroce et le maintien de l'ordre, comme disent les salauds, est devenu éminemment colonial. Donc des dizaines de prisonniers ont été déportés de force de Nouméa vers la France et éparpillés aux quatre coins de l'Hexagone, à plus de 16 000 km de leur terre et de leurs proches. Voilà pourquoi il y a une soirée de soutien qui est organisée, aussi une journée de discussion par le collectif Solidarité Kanaky. Et ce sera au CICP, c'est dimanche 15 février, donc dimanche là qui vient, à 17h. Le CICP, c'est au Inter rue Voltaire. Ouais, c'est ça. 21 Inter, pardon, rue Voltaire, métro Avron Nation. Vous-même, vous savez, de 17h à 22h. Voilà, c'était un peu un truc qu'il fallait préciser. Merci. Et puis, du coup, j'enchaîne, parce qu'il va y avoir aussi un peu de musique pour ceux que ça intéresse demain soir, de s'ambiancer du côté du cirque électrique. Vous savez où c'est, hein, on va pas vous faire le plan de Paris. Merde, je me rappelle plus. Smart and Confused. Bah, je sais plus c'est quoi le collectif. Ça a l'air d'être toi, Smart and Confused. Ouais. Ça me ressemble beaucoup. Je parle anglais. Ouais, well done, Wall Street. Et bah, figure-toi que les groupes qui vont jouer demain soir au Cirque Électrique ne viennent pas d'Angleterre, non, ou de les États-Unis. Ils viennent de France un peu, hein, puisqu'il y aura par exemple. J'ai plus le nom. Listerine. Merci, Listerine. Qui vient de Paris. Mais il y a également Terror Détonator qui nous vient tout droit de la Grèce avec un petit nom, un groupe. Attends, est-ce que je peux juste avoir le truc pour le prononcer correctement? Mon grec est un peu rouillé. Et voilà, ça s'appelle Plasta Protoupa et c'est Terror Détonator. Et ça commence maintenant. Everything. vous êtes sur Radio Libertaire 93, anarchiste, et c'est l'émission de la scène d'éducation 93, scène Saint-Denis. Oui, alors ça c'était Terror Detonator avec Plasta Protupa, ce qui signifie les modèles défaillants. Ok. Hein, comme ça arrive souvent avec les modèles. C'est un groupe qui nous vient de Grèce, tout comme leur comparse de Yos Crusher. Et donc, comme ça a été précisé avant, il y aura aussi Listerine, du bon gros hardcore de Paris. Donc tout ça, bien sûr, rien de politique. Hein, mais non, je rigole, il y en a un petit peu, il y en a beaucoup même. Et ce sera donc demain soir au Cirque Électrique, place du Maquis du Vercors, Porte des Lilas. Prix libre comme tout ce qui est bon. Magnifique. C'est génial parce que là, ça sent la saison des festoches qui commence. Oh, tout se porte sûrement, on sort de l'hiver. Le prochain groupe, justement, moi, c'est un groupe que j'ai découvert en festival à Saïsoukouzan. Si vous n'avez jamais été au festival de Saïsoukouzan, faites-le voir une fois dans votre vie. Saïsoukouzan ? Mais c'est à une heure de Saint-Etienne, vers Montbrison. C'est organisé par des copains. La vérité, vu la gueule des copains, dépêchez-vous, c'est pas sûr que le festival dure encore 10 ans. Mais ça termine avec des afters dans une ruine médiévale où on a les codes du cadenas. Le groupe, ça s'appelle Single Ladies, c'est des Lyonnaises, sur leur petit nom d'affiche de festival, c'est présenté comme du punk de luxe. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais classe. Elles nous reprennent le chant des canuts en version quepon, et comme on n'est pas monomaniaque, bah on va écouter du quepon. Hein. Allez, on peut envoyer ça. Pour chanter Veni Creator, il faut avoir choisi le don. Pour chanter Veni Creator, il faut avoir choisi le don. Nous en tissons pour vous, gens de l'église. Et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans sur toi. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans sur toi. Nous en tissons pour vous, grands de la terre. Et nous, pauvres canuts sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde. Et on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus. Chantez béni créateur, il faut avoir choisi le don. Chantez béni créateur, il faut avoir choisi le don. Choisis le don. chanter Veni Creator. Il... Et on est de retour sur Radio Libertaire 89.4 pour la fin de notre émission du syndicat des travailleuses de l'éducation de la CNT. Et on va vous dire au revoir. On va se retrouver la prochaine fois le 10 mars, toujours sur 89.4, la Radio Libertaire. Et ce fut un plaisir. Et on va pas vous laisser sans un petit cadeau d'adieu. On va vous laisser avec un petit son de Dark Tech le temps qu'on ferme le studio, hein, donc c'est Metaraf, Color voilà, of People avec Sina XX, comme ça vous allez tous bien dormir, bien dormir. Au revoir, salut. We'll be right back.